suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 18. Lektion 18. Aujourd'hui, nous allons étudier l'heure en luxembourgeois, quelque chose d'assez compliqué, comme vous allez le voir. Une montre ou une horloge s'appelle Eng Awa. L'heure qu'il est s'appelle aussi Awa, alors que l'heure comme unité de 60 minutes s'appelle Eng Stunde, Stunden au pluriel. Une minute s'appelle Eng Minute, Minuten au pluriel, et une seconde devient Eng Sekunde, Sekunden au pluriel, encore une fois. Une minute s'appelle Eng Minute, Minuten au pluriel, et une seconde devient Eng Sekunde, Sekunden au pluriel. Les Luxembourgeois comptent l'heure jusqu'à 12 et non jusqu'à 24, même si les horaires des trains et avions suivent le système des 24 heures. Pour faire la différence entre 7 heures du matin et 7 heures du soir, on ajoute au besoin « mures » ou « oves ». Donc, « 7 hours mures »,« 7 hours oves ».« 10 hours mures », »,« 10 hours oves ».« 5 hours mures », »,« 5 hours no mittes ».« 12 hours mittes ». Minuit s'appelle Mitternacht. L'heure comme unité de 60 minutes est subdivisée en trois parties de 20, respectivement 19 minutes, et la tranche entre la 21e et la 39e minute est encore une fois subdivisée en deux parties, celle qui précède et celle qui suit la demi. Pour les 20 minutes qui suivent l'heure complète, nous disons op. Donc 8h10 devient 10 op 8. 14h10 devient 10 op 12. 12 est non tué parce que awa est féminin. 3h13 devient 13 minuten op 3. 15h13 également. 6h19 devient 19 minuten op 6. Un quart s'appelle un feirel. Donc, par exemple, un feirel op 8. À partir de la 21e minute, nous disons 9 minutes avant la demi. Donc, 3h21 devient 9 minuten für ein halver feier. Vous aurez remarqué que la demi se réfère à l'heure qui suit et non à l'heure qui précède, comme en français. Ce qui est très important si vous voulez être à l'heure pour vos rendez-vous avec les Luxembourgeois. 3h25 devient Fünf für halve Feier, 3h29, 1 minute für halve Feier. Après la demi et jusqu'à 39 minutes, nous disons Hop, la demi. Donc, 3h35 devient Fünf auf halve Feier. 3h38, 8 minutes op halve feier. Nouveau changement à 40 minutes où l'on commence à se référer à l'heure complète qui suit. Donc 3h40 devient 20 minutes für feier, 3h45 feirel für feier, 3h58 2 minuten für feier. Reprenons. 10h25 devient 5 für halve 11 mures. 22h25 5 für halve 11 oves. 10h35 devient 5 op halve 11 mures. 22h35, 5 op halve 11 oves. Midi s'appelle 12 hours mittes. 24h, Mitternacht. 2h14 devient 14 minuten op 12. 14h, 14 également. 2h40 devient 20 minuten für 3. 14h40 également. 4h26 devient 4 minuten für halve 5. 4h38, 8 minuten op halve 5. 4h53, 7 minuten für 5. Une heure, comme on vient de le voir, s'appelle Eng Stunde, une demi-heure Eng Halbstunde, un quart d'heure Eng Viertelstunde, trois quarts d'heure Eng Dreiviertelstunde. En tant que nous y sommes, voyons de plus près cette histoire de halva et half. On dit « etwas halver drei », « eine halve Stunde »,« ein halver Mond »,« ein halver Jahr » et une moitié s'appelle « ein halbes Jahr ».